Non, non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui a servi 6 ans, un fameux médecin. Et qui est su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiéfé. Peste de la carotte. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Ah, oh, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Mais... C'est morbleu. Ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Baste, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en bois une partie. Il me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Il m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Il t'enlèvera plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et du matin jusqu'au soir, on ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mais les à terre. Ils me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez long. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, ma mue, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrierai. Prêt, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà, que ceci, que l'infamie, peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Oh, j'y consente tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu, c'est impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Et ça vous dit mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, on sait. Battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Oh, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes dans l'impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Pour ça, faisons la paix tous les deux. Touche-la. Oui. Après m'avoir ainsi battu. Mais cela n'est rien, les touches. Je ne veux pas. Non. Ma petite femme. Point. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Oui, c'est une bagatelle. Allons, allons. Ah, laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Mets-la ta main. Te pardonne. Et tu le paieras. C'est une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Allez, va, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 de fagots. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu m'as donnés. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir, et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Barienne, je vous prie de te donner une guette de commission. Et je ne sais pas, moi, est-ce que je pense à attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille et de notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre.

dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Ah, messieurs, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Mais le soleil pourrait vous incommoder. Oh, monsieur Boutet dessus. Oh, voici des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Oh, oh monsieur. Je n'y épargne aucune chose. Et les faits d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends 110 sols le sang. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Ah, je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer que... Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon, de grâce. Ah, vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais... Monsieur, laissons là ce discours. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières fins et s'abaisse à parler de la sorte, qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a. Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Mais tout ce tripotage ne sert de rien, je t'avance que c'est bon. Mais quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Médecin vous-même. Je ne le suis point, je n'ai jamais été. Oh, voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions mariés. Mais parbleu, vous laissez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point médecin, et ne sais ce que vous voulez dire. Mais je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup. Je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et Tétigui ne l'antiponez pas davantage, et quand vous savez la flanquette, vous êtes médecin. J'en rage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Et pourquoi toutes ces frêmes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non. Vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Si vous le voulez, il faut s'y résoudre. Messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur? Nous obligez-vous à cette violence? Mais à quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Alors, ma figuée, j'en suis fâche, là. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire? Ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe. Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin, apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Voilà qui est bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc excuse de la liberté que j'avais prise. Oui. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Eh oui, par ma figuée. Tout de bon? Sans doute. Diable emporte si je le savais. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Un petit enfant de 12 ans se laissait jouer du haut du clocher. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fit jouer la fossette. Tiens. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire ou nous prétendant vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah ben je suis médecin, sans contredit. Ah, je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah, moi, je ne l'ai pas trouvée. Il est marié. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela, vous. Voilà où je mets mes juleps. Vous, marchez là-dessus. Par ordonnance du médecin. On va s'inquiéter d'un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon. Oui, monsieur. Je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh, Morgan, il faut tirer l'échelle après cela. Et tous les autres ne sont pas dingues de lui déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Ah oui, il aime à bouffonner. Il en dirait pas peine, vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout fin de comme s'il lisait dans un livre. Et sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le vais quérir. Par ma fille, monsieur, c'est ici pour justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si commis. Et la meilleure médecine que l'on pourrait voyer à votre fille, ça serait sinon moi, un vieux et vous, mari, pour qu'il t'a lu de l'amitié. Ouais, nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous de ménager Jacqueline. C'est pas à vous, à bouter la votre mère. Je vous dis, et vous doux, que tous ces médecins n'y feront rien que du eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné. Et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Mais est-elle en état maintenant qu'on s'en voulut charger, avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessin de la mariée, s'est-elle pas opposée à mes volontés? Ben, je le crois bien. Ah. Vous lui vouliez boyer un homme qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous, monsieur Léandre, qui l'y touchait au cœur, hein? Alors elle était fort obéissante. Et je m'en vais gager qu'il apprendrait, lui, comme allait, si vous la lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est si riche, dont il est héritier. Tous ses biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, qu'on ne manque pas son richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours et quand-il et quand-elle. Et le compère Pierre a marié sa fille Simonette au Gros Thomas pour un quartier de vin qu'elle avait davantage que le jeune Robin où elle avait goûté son amitié. Et Black, la pauvre fille, a toujours été devenue jaune comme un coin et qu'elle n'a point profité toute piston-là. C'est un bon exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir dans ce monde. Et j'aimerais mieux payer à ma fille un beau mari qui lui fût agréable que toutes les rondes de la biose. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soins et vous échauffez votre lait. Et Marguerite, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours, il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant, t'entends faire la raisonneuse. Monsieur le père est de sa fille et il est bon et sage pour savoir ce qu'il faut. Tout doux. Monsieur, je vais un peu la mordiquer et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes-là ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voilà notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi. Et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Et Hippocrate dit cela? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... À qui parlez-vous de grâce? À vous. Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Tout de bon. Tout de bon. Ah! Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous là amené? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Je l'enverrai promener avec ses goguenarderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur, ce n'est que pour rire. Cette raguerie ne me plaît point. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Bon, je suis fâché. Ça n'est rien. Des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. Que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de ça. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Moi, je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Et comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde? Oh, beau nom à médicamenter. Lucinde. Lucindus. Lucinda. Lucindome. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Reste le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine la présente esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas cela. Je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite comme elle est. Quoi, tant de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme traite de cérémonie. Moi, je prends part également au bonheur de tous deux et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Monsieur Nectar, que j'en dis bonnage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille. Qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Et où est-elle? Là-dedans. Ah, fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non, je dois vous faire de ça. Bon, c'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Et office qui tienne, je suis votre serviteur. As-tu bien l'hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là! Je me moque de ça! Je te donnerai la fièvre. Arrête-toi de là aussi! Est-ce que je suis pas si grande pour me défendre moi-même? Tu fais quelque chose qui t'a pas fait? Je ne veux pas qu'il tente, moi! Oh, je suis le vilain qui est jaloux de sa femme! Voilà ma fille! Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? En. Et que dites-vous? En. I, on, en, I, on. Quoi? En, I, on. En, I, on, hein? Je ne vous entends point. Quel diable de langage est cela? Et monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusque-ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a perculé son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sol-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eut cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oh oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas, ça c'est chaud. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Oh, oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Vous voyez comme il a deviné sa maladie. Oh, nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et aurait dû être dire, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Ah, fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Et tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Je le crois. Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme tout à fait, un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causée par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Capricias arsituram catalamus singularitaire et musa lamuse. Bonus bona bonum deus sanctus est ne oratio latinas et siam oui quare pourquoi. Quia substantivo et adjectivum concordam in generic numerum et casus. Oh, que l'ai-je étudié! L'habilum que v'là! Ah oui, ça est si bien que je n'y entends, good. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin harmonium, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nafmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu mille, rencontrant son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité, écoutez bien ceci, je vous conjure, oui, ont une certaine malignité qui est causée, me soyez attentifs s'il vous plaît, je le suis, qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs, os abondus nequies, nequier, potarinum quipsa milus, voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh, que ça est bien dit, notre homme. Que la langue aussi bien pendue. Oh, on ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du fouet et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le fouet du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Et parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on nous donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Oh, le grand homme! Vite, quantité de pain et de vin! Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Doucement, vous, nourrice. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui? Moi? Je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Il ne sera pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a point de maladie? Il n'importe. La mode en est salutaire. Et comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je manque de ça et je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétive aux remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Monsieur, je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Et que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai point, monsieur. Monsieur. Point du tout. Un petit moment. En aucune façon. De grâce. Vous vous moquez, je n'en ferai rien. Hey. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je le crois. Voilà qui est fait. Cela est-il de point? Oui, monsieur. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Et ma foi, cela ne va pas mal. Et pourvu que... Monsieur, monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur, ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable dites-vous donc? Non, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Mais pour qui me prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent. Et monsieur, doucement. Un mal avisé. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela et que c'est une insolence extrême de vouloir m'employer. Merci. Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde et qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Oh, mais vous vous moquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou bien elle sera. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire, et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire, il suffit de l'habit, et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Le diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous confiez à moi. Quoi, vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye des pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je venais vous chercher mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa pauvre mère, qui a nos parents, est dans un lit malade il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais, monsieur, que vous nous voyissiez que petite drôlerie pour la guérir. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Elle en dit que c'est quantité de sérieusité qu'elle a dans le corps, et que son fouet, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, elle ne fait plus que de l'eau. Elle a de 2 jours dans la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des flemmes qui sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, il y prend des syncoles et des conversions que je croyais qu'elle a passées. J'avoue, dans notre village, un apothicaire, révérence parlée, qui a donné je ne sais combien d'histoires. Et il m'en coûte près d'une douzaine de bons écus en lavement, à ne vous en déplaise, en apostume qu'on lui a fait prendre, en infection de jacinthe et en portion cordiale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de l'engan mitomitaine. Il voulait y bailler d'une certaine glauque qu'on appelle du vin à méthyle. Mais j'ai eu peur, franchement, que ça l'envoya à Bataisse. Elle en dit que ces gros médecins tuent je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, que je venais vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, ma mère est malade et voilà 2 écus que je vous apporte pour nous bailler quelques remèdes. Ah, je vous entends. Vous voilà un garçon qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a de la fièvre, avec des douleurs dans les jambes et qui lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Eh oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir. C'est comme je l'attends. Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail et des perles. Et quantité d'autres choses précieuses. Oh, monsieur, je vous sens bien obligé. Et j'allons le faire prendre ça tout à l'heure. Allez, si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Voici la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purgent toute la mélancolie de mon âme. Par ma figuée, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi. Et j'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, je vous en prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante, mais j'aime pas mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur, c'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut battre le broute. Comment? Un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore. Ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous, à que j'en sais de belles nourrices, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains? Et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Eh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice, il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête, pour le punir des soupçons qu'il a. Il n'est pas vrai que si je n'avais devant les yeux ton intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Eh, ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, ben, nourrice, pour être choisi pour... Oh notre médecin? Eh oui, par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi. Où est-ce qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les guêbles. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Oh, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux. C'est signe qu'il opère. Ah oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Quoi? Celui... Eh? Qui... Chut. Oh, je vous entends. Votre fille en aura besoin. Monsieur, à votre fille qui veut un peu marcher. Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son pouls afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur Géronte, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre trouve... Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu d'Urmède. Oh, admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais... Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Ouais. Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Tous si. Vos discours ne serviront de rien. Je... C'est une chose où je suis déterminée. Mais... Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier j'ai... malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts, il... mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Le... Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Le... Non, en aucune façon, point d'affaire. Vous perdez le temps, je n'en ferai rien, cela est résolu. Elle est guérie. Oh, quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister, monsieur. Je vous prie de la faire redevenir muette. Ah, c'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. Penses-tu donc? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il faut y apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot, monsieur l'apothicaire. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul et qui est une prise de fuite... purgative, que vous mêlerez comme il faut avec deux drachmes de matrimonion en pilule. Ah. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède. Mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous en lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdez point de temps. Au remède vite, au remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais vues nommées. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Bon, les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour... J'ai su tenir toujours ma fille enfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Mais il perdra son temps. Ah. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. À faire un saut. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Oh, plus fin que vous n'est pas bête. Oh, pas le sanguin, monsieur, voici bien du tatamar. Votre fille s'est enfuie avec son Léandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Non, mais... Je... Allons, un commissaire. Et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître! Je vous ferai punir par la justice. À part ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Oh, mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le blanc qui va être pendu. Quoi, mon mari pendu? Et là, c'est qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te va pendre? Tu vois, j'attends. Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Non, retire-toi de là, tu me feras le cœur. Non, je vais demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne t'ai quitté point, je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Ah, monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin. Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. L'effet en est trop bon pour en garder du ressentiment. Soit. Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.